Revoyons maintenant ces verbes qui ne résistent pas à la pression de l'accentuation et qui changent leur voyelle en conséquence. Il y a plusieurs catégories. En voici d'abord deux. Les verbes qui passent de « e » à « ie », comme dans « pierde », « il », « elle perd », et ceux qui passent de « o » à « ue », comme dans « puedo », « je peux ». Donc, si « perdre » se dit « perder », et puisque c'est un verbe qui cède sous la pression de l'accentuation, comment direz-vous « je perds toujours » ? Pour cette phrase, vous pouvez dire « siempre pierdo » ou « pierdo siempre ». Et comment diriez-vous « tu perds toujours, Carmen » ? Siempre pierdes, Carmen. Siempre pierdes, Carmen, ou pierdes siempre, Carmen. Mais attention, les formes avec « nous » ne cèdent pas sous la pression de l'accentuation, car l'accent qui fait normalement scinder cette voyelle en deux ne tombe pas sur la racine, mais sur la terminaison. Donc, le verbe est épargné. Comment direz-vous « nous perdons toujours » ? Perdemos siempre. Perdemos siempre. On aurait pu également mettre siempre en première position. Siempre perdemos. On a dit perdemos et non perdemos. C'est pour cela que le E de la racine ne devient pas IE. De plus, cela ne touche que les voyelles de la racine, jamais celles de la terminaison. Donc, on a perdemos et non perdiemos. Et si negar, N-E-G-A-R, signifie nier et est un verbe qui cède aussi sous la pression de l'accentuation, comment direz-vous nous le nions? Lo negamos. Lo negamos. Je vous ai piégé? Rappelez-vous que les voyelles de la première syllabe ne cèdent jamais à la forme avec nous, car on n'insiste pas dessus à l'oral. Par exemple, dans « negamos », on insiste sur la terminaison, sur le « a » plus précisément, et non sur le « e » de la racine. Donc, il n'y a pas de changement. On dit « lo negamos ». Mais si je veux dire « il le nie ». Lo niega. Lo niega. Car, dans ce mot, on insiste sur la racine à l'oral, sur le « e », et celui-ci cède sous la pression et devient « ie ». Et comment direz-vous « je le nie » ? Lo niego. Lo niego. Pensar, penser, est un autre verbe qui fonctionne de la même façon. Comment diriez-vous « je pense m'acheter une nouvelle voiture » ? Pienso comprarme un nuevo coche. Pienso comprarme un nuevo coche. Vous savez que tener et querer changent leur voyelle, donc nous n'allons pas le revoir. Vous pouvez réécouter les autres méthodes à n'importe quel moment si vous avez des doutes. Maintenant, nous allons plutôt nous entraîner avec un nouveau verbe. Si ferrar, s'écrivant C-E-2-R-A-R signifie « fermer » et cède aussi sous la pression de l'accentuation, comment direz-vous « il ferme la porte » ? Cierra la puerta. C'est ça. Et comment dites-vous à une personne que vous vous voyez « fermer la porte » ? Cierre la puerta. Cierre la puerta. Hein? Il faut le dire avec conviction. Con conviction. C'est un ordre au vouvoiement. Il fallait donc changer de terminaison. Et comment dites-vous « nous fermons toujours la porte » ? Cerramos siempre la puerta. Cerramos siempre la puerta. On peut dire aussi « siempre cerramos la puerta ». Le « e » ne devient jamais « ie » avec « nous ». On a donc « cerramos ».